Être membre de ces KRL, c'est comme respirer. C'est essentiel à notre vie. Oh, oh, oh, oh, c'est beau! C'est vrai. Aujourd'hui, le 3 août 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la peinture, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! J'avais aussi une autre ouverture, je disais. Je vous dis. Il y a toujours une casquette à l'envers qui suit une fille qui marche droit. Avez-vous des références? Connaissez-vous? Avant d'aller plus loin, attendez un peu. Les personnages poussent, comme d'habitude, pour prendre de la place et le micro à cette émission qui s'appelle, depuis quelques années, Errance, depuis le début, pas quelques années, depuis le début, Errance Rénaldienne. Alors, appelez vos amis, si vous en avez, vos amis imaginaires, si vous en avez, appelez votre entourage, frappez à la porte, aux portes de vos voisins. Et dites là, ce qui se passe actuellement au 89,1, ben, c'est la meilleure émission de vie qui a décidé de prendre le temps. On parlait de choses et d'autres entre nous. Qui chante ça? C'est court, hein? Mais pour les amateurs de chansons francophones, ils savent! Michel Delpech, bravo! Alors, donc, j'ai pris deux... Je me suis pris deux cartons pour, comme pense-bête. Pense-bête. Les bêtes. Aimez-vous les bêtes? Non, pas les bêtes. Les bêtes. Parce que quand tu vas là-bas, là, tu dis des bêtes, les gens, ouais, les bêtes, les bêtes. Les bêtes. Alors, vous connaissez les bêtes? Pas les bêtins ou les tibétains, les bêtes. Avez-vous attention, Madame Bertrand, les bêtes? Oui. Alors, vous m'aidez pas, là. Vous voulez me piéger? Vous voulez dire qu'Errance Rénaldienne? Car c'est l'émission que vous écoutez actuellement. J'aime bien brancher un peu, avant de débrancher. Parce que là, pendant 6, presque 120 minutes, là, on est déjà rendu à combien? Ah, 3 minutes 47. Alors, pendant tout ce temps-là, vous risquez d'être franchement, fièrement et sans aucune gêne, débranché de toute réalité. C'est l'endroit propice. Tu sais, t'as même pas... Je sais pas pourquoi j'allais dire je pleure du nez. Je pleure du nez! Mais non! En francophone, on l'oublie souvent. Est-ce que c'est une émotion qui s'attache sur moi? Lui a fait du jazz, du blues. Et qui deviendra un jour... C'est qu'il est né, qui s'est lancé même, il a fait du classique. Inconscient. C'est complètement scindé. Et du coup, je me réfère à lui pour... Je devrais rencontrer... Avoir la ligne d'Ariane. Non, un petit pour régresser. J'ai sur mon nom. Racontez ce qui s'est peut-être passé pour que je aujourd'hui, j'ai des nez qui coulent. Non, je ne suis pas malade. Oui. Mais non, je ne souffre. Ouais, peut-être les allergies. J'ai choisi de faire en fait j'ai des thèmes. Et je l'ai indiqué sur mon carton. Il me semble que. humain, c'est pas important. Alors, vous avez appelé tout le monde? Seul, avec les personnes. Ici, t'as dit la 89.1? Là, bah, c'est Moi, je vais pas. Ça m'arrive de pas toucher à la table plusieurs semaines. Quand même. Et qu'est-ce que tu fais pendant ça? Je crois très tard. Ah ouais, je l'ai. Non, j'écoute pas mal de musique aussi. J'essaie de voyager un petit peu. Si tu étudies et puis je vais voyager, je veux dire, dans voir et tu te rends compte que. Je vais voir des musées. On a essayé de voir. Senti. D'aller un petit peu à la plage avec ma blonde. Ok, oui. De notre vie. D'être humain. Parce que. Et puis je suis un peu alimentaire aussi. Les animaux. Je fais de la vente. Je suis souvent à la fenêtre. Pas de côté, monsieur. Vous mettez pas de côté. Comment c'est pas mort, il pleure, mais c'est beau, les hommes en 2020, ça pleure. Alors t'es vendeur? On aime des petites larmes de gars, là. Et puis t'aimes ça? Même les femmes, là, disent « Ah non, non, t'attends, et puis tu dois avoir aussi des tarifs pour acheter des je veux prendre mon petit gobelet et conserver ces larmes qui pourront retirer mes rides. Et la FNAC vend de moins en moins de 10, est-ce qu'elle en vend encore? Les vinyles, c'est revenu. Trois semaines. Mais le CD, non. Il y a deux semaines, trois semaines et demie. Il y a toujours des fidèles qui. Mais vous en vendez encore, pas dès qu'on va sortir la chaîne. As-tu une idée de ce que tu vas présenter? Ah oui, on peut avoir tout est enregistré déjà, la maison de disque, Et toi, t'es rentré, est-ce que tu fais ça à la maison? Pour présenter... Je prends un petit gin, puis je prends un gin, puis je me sens le gin. Et puis là, je je gâche le bonjour. Ah oui, mais là, c'est quoi le jean de parce que je suis lié à mon artiste préféré. Parce que c'est moi, mais comment est ton collègue? Straight, I'm thinking back. Our last day, we got close. Savoir à quel endroit tu te situes sur la planète. Ah, ok, parfait. Elle, c'est très bien. J'aimais bien tout ce qui était bande dessinée. Ah oui, elle a travaillé longtemps. Mon père en a fait un peu. Que je suis... Attends, pas de BD. Voilà. Ah oui. La femme très opaque. Il est pas devenu connu. Ça veut dire opaque. J'aime ça parce qu'elles sont. Alors, tu voyais, elle travaillait à la maison. Voilà. Si ta maison n'est pas opaque, c'est vraiment pas la bonne place, la bonne prononciation, le bon mot à choisir. La prononciation est bonne. Mais c'est pas le bon mot à choisir. Mais c'est à quel moment tu as trouvé celui qui faisait des dessins? J'essaie de m'envoyer sur mon portable. Ça fait le discours, ça va pas plus loin. Quelqu'un qui m'a dit, moi, je peux dessiner ton scénario. Le masque. Ok, je suis là. Excusez-moi. Oh oui, excellent. Voilà. Comme je suis seul, comment me rassembler seul? Une fois par mois, il allait à New York pour aller voir dessinateurs. Ça sent. Mais ce n'est pas ce que vous voyez, monsieur. Non. J'étais seul, oui, il n'y avait personne. Mais j'étais entouré de tellement de sonorités, de tellement de voix intérieures qui correspondent à tout. À mon univers, dans la petite boîte, les gens ont un univers un peu froid, quoi qu'ils se réchauffent, ils se réchauffent à la rencontre de l'autre, ils se réchauffent aux amitiés, ils se réchauffent avec ce qu'ils peuvent bien se réchauffer. Mais plus il fait chaud, plus on cherche à se rafraîchir. Mais comment se rafraîchir? C'est simple. Chercher de l'air. Hein? Faut une respiratif. Exemple, quand vous êtes dans les Alpes. Là, les Alpes, tu peux manquer de ça. Parce que plus tu es haut, plus tu as difficulté à respirer. Bon, je m'imagine, quelques minutes avant ma mort, ça va ressembler à ça. Donc c'est deux choses, c'est soit ou mais j'ai pas le choix. On saura quand on le saura et puis on vous le dira quand on vous le dira puis vous serez au courant quand on sera au courant nous-mêmes. Selon ma clairvoyante, parce que quand je dis clairvoyante, elle est claire et elle voit très bien. Et c'est ce que je demande à mon clairvoyant. Et aujourd'hui, à l'Agence canadienne, depuis deux ans, nous avons la chance d'avoir cet être surdémesuré, y compris dans la société, qui capte des ondes que personne ne peut prendre dans son. son corps vivant. C'est quand même sérieux. Là, c'est une sorte naturelle, surnaturelle. On sait pas ce que tu veux dire. Quand c'est pas scientifique, ça veut rien dire. T'as peut-être raison. Mais tu as ta raison. Mais ta raison n'est pas la raison et la raison n'est pas unanime. Donc, il y a plusieurs réalités. Et c'est ça qui fait que le monde est comme il est. Trop exceptionnel. Et trop violent. Parole. Le monde. Sans mort. Ne se sent pas possible. C'est quelque chose d'autre. Rêver également les gens qui veulent se rattacher à ce genre de discours. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire Non. On devait, et puis bon, il a eu des problèmes de santé. parce qu'il a eu un accident. Est-ce que c'est dans le simplement, Monsieur Wayne, dans le sens que je veux vous parler. Saviez-vous que les personnes qui habitent parce qu'à Métal Hurlant, ils faisaient surtout les mises en page des magazines, affinité des comics, avec les gens du Nord. Et puis voilà. Bon, après, il a les gens du Nord de la France, parce qu'il travaillait sur les choix. On a des expressions tombé, presque semblables. Du coup, il ne peut plus exercer. J'aimerais bien m'en aller, ça l'a un coup. Rapatrié. Voilà. Est-ce que ta bande dessinée a fonctionné un peu? Dans un endroit. Pas trop. Okay. Que l'on pourrait battre plus. Je sur une page internet, okay. Un blog. Okay. Donc on peut la lire gratuitement, okay. Etc. Okay. Pour poursuivre un peu le travail. Hein? Voilà, voilà. Chez les dessins, est-ce qu'il te plaisait au départ? Tu n'avais pas grand-chose à dire sur les dessins? Oui, d'accord. Si je l'ai dit une fois, madame, je peux le dire une vitam pas par mal. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Comme c'est des ch'tis. C'est Chicoutimi. Si tu vas avoir du monde à Chicoutimi, voyons, non, je l'avais dit tantôt. Chicoutimi. Non, vous accrochez. Un autre dessinateur. Dans la deuxième. Bosser avec nous. Fanfaronade. C'est un autre dessinateur pour quelques. Non, pas besoin de fanfare dans Fanfaronade. Il n'était pas, mais il faisait du noir est-ce que et blanc, c'était un peu plus difficile. Oui. Et bon, des Auguste fois, il y avait des cases, c'était juste une tasse de café. Mais lui, Auguste, là, oui, okay. Sa force. Et bon, j'ai fait voir française. À des amis qui étaient... Mais la langue voilà. Tout court. Et ils m'ont dit, non, il y a une vraie c'est différence bien beau entre, tu le vois arriver en habit. Travailler chez Métal Hurlant, donc ça ne va pas. Faut quand que il ne l'a pas dans la bouche, il l'a dans sa poche. Qui met plus de couleur. Voilà, voilà. Et du coup, il... Quand tu veux y parler... Bah, au début, il était énervé, et puis au final, il a compris qu'il fallait qu'il remplisse un peu. Mais ça fait, pour faire un travail costumé. Voilà. À rendre la narration intéressante pour la personne. Je parlais des dictionnaires à mon émission il y a deux semaines. Les bulles, mais il faut aussi avoir un beau dessin qui suit la bulle. Faut suivre, c'est comme la... Et là, après ça, la bande dessinée, tu as mis ça de côté. C'est pas comme une série télévisée, là. On avait trouvé un éditeur. Tu oublies d'écouter. Qu'on deux épisodes de Twin Peaks et dans la schnapp. Parce qu'à chaque fois, c'était des Twin Peaks, là, c'est une vieille série. Écrit et réalisé par qui? Un peu comme le magazine Creepy, où tu as plusieurs scénaristes, dessinateurs, à chaque fois, un collectif. Le génie. Bon, c'était un peu qui fait aussi de la musique. De signer sur une maison d'édition avec qui en a fait. Voulez-vous que je vous aide un petit peu? En Bretagne, mais pas longtemps. Juste un petit peu. Mais le truc, c'est qu'il prenait 90% des droits d'auteur. Oh, okay. Il dirait juste 10%, donc tu peux même pas t'acheter un café. C'est là, c'était. Pardon? Et finalement, non, j'ai pas dit serre là et là. Ça c'est... faisait 30 centimes par bande dessinée. Qui? Et eux prenaient les 90. Voilà. Et Must ensuite, et il fallait vraiment tout écouler. Il a travaillé pour Métal Hurlant. Vous allez vendre 50 000 exemplaires. Le chemin, c'est quoi? David Lynch! Je vous ai dit là-dessus, là. Ouais, de recherche Internet, moi, là. J'ai pas les moyens d'avoir Internet. Qui ont signé là-bas, ça, c'était pour trois bandes dessinées. Et parce que j'ai abandonné un regard sur mon ordinateur pendant que j'ai... Ils sont bloqués, quoi. Là, les gens se demandent. Donc après ça, ben, toi, tu faisais encore de la musique, là. Tu n'avais pas abandonné la musique. Ben oui, je n'ai pas abandonné. Et c'est un homme. Dans à quelle ce situation pour délirer? Je me suis dit, tiens, je vais relancer un peu. Je vous conseille de regarder mes vidéos sur Internet. Et là, ça on va l'étaler un peu. Voilà. J'ai 500 capsules, facilement 500 capsules. À la maison. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y a des années qui sont à retirer. Il y a des Butterfly. Je ne dirai pas lesquels parce que vous allez les regarder. C'est comme, voilà, c'est le comme les enfants. De toucher un vinyle, hein, ouais, voilà. Vous en avez des fois, il y a des livrets, il y a des beaux. Peut-être voilà, même. Puis il y en a. Lire là, les qui vivent sur cette planète. Sans savoir. Un CD, c'est plus compact. Sans que vous sachiez, on voit mal. Donc, ça rend plus justice à des personnes au chanteur, au vinyle que. Depuis. le début de ce que tu fais, est-ce que tu sens le fil conducteur? Est-ce que tu sens la... dans la musique? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ben là, je me suis rendu compte avec cet album-là. Mais plus on était 5 mois, je te raconte une anecdote savoureuse. Et ça, c'est plus savoureux que ça. Là, tu veux plus rien savoir des autres. On était autour du feu. J'ai trouvé le... Ouais, mais chez elle. Le côté continuer à faire de l'expérimental, mais en étant plus ouvert... Non, c'était pas un feu de camp, c'était son foyer. Attendez que je termine, vous, là, madame. Ouais, être plus à l'écoute. Précipiter la chose. Sur scène, est-ce que tu prends l'improvisation? Ça me fait plus à l'aise de... De te lancer dans un solo guitaristique comme le fait Hendrix. C'est pas grave, c'est pas important. Sur scène, je suis. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire, les signifiants? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, vu que la basse, c'est mon instrument de prédilection. Pas grand-chose. J'aime bien aussi. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, j'ai un thème. Spécialement pour la basse, des wah-wah pour la basse. Je fais comme un homme que je connais. Un bonhomme que je connais, je vais baragouiner. Cigarette? Oh, tu vas le... comme Charlemagne. Connaissez-vous Charlemagne? Où est-il le chien, là? Dans Rock et mes oreilles. Charlemagne. Et c'est le fils qui traduisait la femme. C'est le bonhomme, il disait... Ah, ben oui, tu voulais dire tirer le popote. Ah, ben oui, mais écoute, ton fils arrive, là. Oui, je sais, il est très tard. Vous voyez que le Barracuda a pu avoir une femme à sa hauteur pour traduire toute son univers. Alors là, quand tu es devant le Barracuda, sans traductrice ou traducteur, tu dois toi-même faire l'effort de te dire qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire. Cet ami incroyable que j'aime et que je respecte est extraordinaire. Vous remarquez, je peux dire incroyable une autre fois, j'ai bifurqué par extraordinaire. Ça, c'est du métier, monsieur. Oh, ça se fait pas du jour au lendemain, là. C'est peut-être le lendemain plus que le jour. Parce que le lendemain, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Donc, ton cerveau a réfléchi à cet événement-là. Et au moment, donc, 4 heures ou 30 heures, après cette divulgation, ben, il y a eu une réflexion. Donc, la deuxième période a l'air, doit être normalement. Tout le temps normalement. Je ne sais pas, je dois enlever ça de mon vocabulaire. Parce qu'il n'y a plus rien de normal. Fortement de ne pas les manger immédiatement après l'avoir retiré du feu. Et puis moi, un soir, j'étais avec une demoiselle qui voulait faire cuire réchauffe-tu, toi, ou tu cuis? Au soleil, tu cuis, puis devant un feu, tu réchauffes. Oh, ben, c'est pas fou. Non, mais elle a l'air très brillante, puis elle a pas juste l'air, elle l'est. C'est pour ça que moi, je me sens liaison tout le temps. Pas compliqué d'avoir des gens plus brillants que moi. Quelqu'un me dit c'est plus brillant que moi, lui. Elle, ouais, elle parle. Ah, il y a des mots qui sortent de sa bouche. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Le problème, c'est que je dois enlever 2 heures à chaque fois. Parce que dans le monde, hein, dans le protocole sociétal, dans le protocole universel, une journée, c'est 24 heures, c'est pas 26. Compliqué pour moi, là. Je suis pas mathématicien, moi. Je suis juste un être humain avec 26 heures par jour au lieu de 24. Hey, ça a l'air simple, ça. Mais moi, ça m'a causé des soucis. Pas de soucis, j'aime pas ça, les soucis, moi. With a girl who had a past, we rode a reckless high. poissons, je suis allergique à ça. C'est ce qui sort de, vous savez, ce qui sort de l'eau, moi, là, à part des sirènes. Ah, mon Dieu. Alors là, j'ai écrit sur mon petit carton, comme M. Raymond disait, carton, mes masques. Le mot masque. On veut-tu encore entendre ça, le mot masque? On veut-tu encore essayer ça? Juste ajuster un masque. Et pendant à peu près là, 12 à 18 mois, ce sera l'Halloween pour toute la planète. Là, il faut trouver son masque. Là, au Québec, là, il y a un le gouvernement s'est mêlé de ça. Il faut, pour ceux qui travaillent dans l'univers des services, un masque spécialement conçu pour eux et pour les infirmiers et infirmières qui travaillent dans les centres hospitaliers. Donc, des couvre-bouches étudiés pour les problèmes là, comme on vit actuellement. Mais moi, là, je m'en suis procuré des rigolos. J'ai Clémence Desrochers, j'ai Jean-Luc Mongrain. Ça, c'est vrai, là, venez me voir, là, vous allez savoir. Ben, dans mon lieu de travail. Là. Fait que, où tu travailles? Ben, je travaille là-bas. Là, tourne à gauche. Oui? Tu vois l'étoile? Ben, c'est pas là. Ça n'a jamais... Non, c'est pas... C'est en bas de l'étoile. Oui. Tu creuses un petit peu, là, mais on est entre les intraterrestres et la vie ordinaire. Tu sais, on balotte là-dedans. En fait, si tu y pénètres, tu verras qu'il y a des cours d'eau. Lance-toi dans le cours d'eau 1763. Veux-tu que je te le... Oui, 171763. Ouais. Extension 2230. Oui. Oui. Oui. Merci. Et puis ensuite, tu tournes. Tu tournes comme dans une spirale, mais si tu empruntes le corridor 16, tu vas tourner. Mais tourner pour remonter en haut puis arriver à mon entreprise. Puis quand tu vas entrer là, tu vas me voir avec soit un masque de sourire, un masque de Jean-Luc Mongrain, qui est un homme de télévision, encore aujourd'hui, un homme de communication, qui était dans des réseaux, un réseau privé, c'est vrai, c'est un réseau privé, et puis il faisait des émissions hyper intéressantes de société. C'était lui-même un personnage, il est encore là-dedans, là, dans cette grande extravagance. C'est pour ça que je l'adore. Et Clémence Desrochers, également, que je me suis procuré. J'ai dit deux fois également, madame, je le sais. Enlevez-moi deux points. Je suis rendu à quoi? À combien de... Moins 17. Et puis, ça, c'est de démérite. Alors, je ne mérite pas. Aucun applaudissement. Aucun baiser. Oh, aucun... Oh non, c'est pas vrai. Mais, oui. Oui, d'accord. Oh, ça risque d'aller très bien. Ben oui, voyons donc. Depuis quand ça va pas bien? Hein? Oui. Ah ben là, Ben ça, c'est un revirement, mais faites-vous-en pas. Tout va... Il y a une phrase de cliché, là, qui nous fait suer. Tout ira bien. Tu sais, tout ira bien. Tu sais, c'est facile, là, ça. Tu craches ça comme, ah ouais, tout ira bien. Oh, ouais, quand ta femme est morte, ah, tout ira bien. Ouais. T'as perdu, là, tout ira bien. Ça, c'est le courant. Le courant, non pas le courant d'eau, mais le courant d'air. Heureusement, c'est un courant d'air parce que ça passe. Un courant d'eau, mais là, c'est continuel, hein? C'est la nature. Ben, l'air aussi, là, mais pas quand ça vient. Hein? On n'a même pas besoin d'expliquer. Tu fais juste le son, comme à la radio, comme nous sommes à la radio. Hey, en parlant de ce que je viens de vous dire, là, comme nous sommes à la radio, j'écoutais, malgré moi, un réseau radiophonique commercial. Et les deux animateurs, ils n'arrêtaient pas de dire... « Hey, vous allez voir à la radio, là. Hey, vous allez voir ce qu'elle va dire. Vous allez voir ce qu'elle... » Voyons donc, on est à radio, on va écouter, on peut pas voir. Si on veut voir, on va regarder la télévision. La radio, on veut pas voir. On veut entendre. Ça, c'est comme une vision de Yvon Deschamps, mais portée à la radio. Hein? C'est comme une petite, un petit clin d'œil. Ben, on n'a pas vu ça, ces clins d'œil-là. Là. On est à la radio. Oh, oui, mais un clin d'œil, non, non. C'est pas visuel, mon clin d'œil, là. Hein? C'est symbolique. Des clins d'œil. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Je fais ça, là. Tu vois le clin d'œil. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ouais, mais quand la madame a parlé, peut-être qu'il la voyait. Ouais, mais non, non, non. À la radio, là, quand tu parles, quand tu veux évoquer un document sonore que tu vas diffuser, tu dis pas vous allez voir. Tu dis vous allez entendre. Puis là, c'est une radio, là, qui est numéro un au Québec, là. Hey, c'est à se demander si le numéro un n'est pas interchangé en numéro 2 crémeux. You you're running really hot. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey, you don't need no pills. You gotta rock it up, brother, rock it all. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it all. That's what'll help the most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey, you don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Ben, on le sait, madame, là. Hein? La gning. On est à la gning, là. Tout près de Québec. Connaissez-vous ça, la gning, madame? Non? OK, tant mieux, moi non plus. Alors, aujourd'hui, la gning. C'est une pâte alimentaire, ça, la langouine. Ça doit être Gilligan. Est-ce que ça a un lien avec Gilligan, madame? Je ne sais même pas elle-même, elle est inconsciente collective. Aujourd'hui, le lundi 3 août 2020, ou 2020, j'adore dire 2020, oui. Hey, barman, 2020, s'il vous plaît. 2020. Hey, de garage, 20$. Tu dis, il sait pas. Aujourd'hui, on va. Non, on enchaîne. Faites-vous-en pas, là. Faut respirer par le tributaire. Mais là, tu dis, ouais, là. Oui, faut pas aller dans le frigo. Parce que le frigidaire n'aime pas le tributaire. Ça refroidit les esprits autant que les pensées et les réflexions et la matière brise. Oui, c'est pas gris, c'est brise parce qu'il y a bien du vent là-dedans. Oh mon Dieu. Quand la brise fut venue, il se demanda où est le poilu. Il se cache dans les bois, prêt à se pendre et à se faire entendre par les médias, même si sa bouche ne peut même plus passer un mot. J'ai dit passer ou placer. Vous dites, vous pouvez choisir placer ou passer. Je suis un auteur bien ouvert. Oh mon Dieu. Tellement ouvert que si tu vois quelque chose de louche, tu peux y toucher. Aujourd'hui, oui, toucher à l'intelligence ou à la réflexion ou à la métaphore. Là. Oh non, mais hey, on nous accuse tout le temps, nous autres. T'es un créateur, t'es un toucheur. Un toucheur, on touche à tout. On touche à les mots. On touche à la musique. On touche à l'interprétation. On touche à l'exécution. On va dire interprétation, exécution. Ben oui. C'est pour amuser le public. Là, on n'est pas là pour se faire pleurer. Si vous voulez vous faire pleurer, je vous conseille d'aller en Grèce. Il en demande dans ces temps-ci. Oh, ouais, ben des pleureuses. Aujourd'hui, pas des pleureurs, là, non. Eux autres, il y a des pleureuses et des porteurs. Fait que les porteurs amènent, puis les pleureuses, elles, tirent la sonorité très triste de la réalité qui se passe devant ce phénomène que l'on appelle la cérémonie. Cérémonie. Cérémonie. Es-tu là, ma cérémonie? Ouais, je suis là. Je suis là pour te dire que le 3 août 2020, et c'est un lundi, c'est une bonne cérémonie. C'est une voyeuse. C'est une voyeuse cérémoniale. Oh, mon Dieu Seigneur, ça n'a jamais été vu à CKRL. Jamais, mais même pas à CKRL, sur la planète. Si vous êtes membre, là, on peut vous raconter toute l'histoire. Si vous ne l'êtes pas, ben, ça s'arrête là. Ça se complète pas. Alors, on y va. Faites-vous-en. Arrête de me faire des signes, toi, là. Main. Mets ton masque. Souris. Ah, t'es bien plus belle comme ça avec le masque. Ah, oh, je savais ça. On va se marier l'année prochaine. Avec bien d'autres, là. On va faire un cérémonial de... Ouais. On peut pas faire ça. C'est pas de dans les lois de municipales, provinces, libérales, internet, mondiales. Oh non, dans le monde, on peut le faire. On ira à Las Vegas se faire marier par Elvis Presley. Lui, il a l'affaire. Aujourd'hui, elle l'a dessus, c'est bon, hein? Hey, on a presque dansé. Moi, j'étais là, la sueur dans le front, la babine ouverte. Ah! On voulait me donner des 25 cents. J'ai dit, oh, non, gardez ça pour vos études, là. Éduquez-vous, montez vos esprits. On en a besoin. Ah, mon Dieu. Il nous en manque. On est en... Ouais. Fait que je vous laisse la possibilité d'accéder à quelque chose d'un peu plus haut, un peu plus loin. On y va. On va lâcher le truc. Oh, c'est là que ça se lâche, madame. Ah, oui. Ah, vous aurez même pas lavé le plancher. Ah, non, c'est au niveau verbal. Verbal. Les mots. Le discours. C'est pas liquide. C'est pas crémeux. C'est ça, là. C'est ça, là. Non, c'est pas ça, là. À peur que ce soit souillé. Elle pense que j'ai dit sale, là. C'est pas sale, madame. Vous êtes propre, vous êtes belle. Tout est... Ah, vous, votre plancher est reluisant. J'aimerais bien me tournoyer dessus pour ainsi m'imprégner de votre cire de plancher qui me semble si particulier. Hey, c'est pas du Rimbaud, ça? Ah non, c'est du Rénal Gagné. Aujourd'hui, le 3... bon, tu sais. Le 3 août 2020, ou 2020, les errances rénaldiennes plaisantes, oui, ça plaisante depuis au moins 25 ans minimum. Présente, j'ai oublié le fil, là. As-tu trouvé la tricoteuse, toi, là? Mais, on y va. On recommence. Aujourd'hui, le lundi 3, ça n'a pas changé le 3, non, c'est 3 août 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous, ça n'a pas de bon sens. Oublions les abords familiaux, l'école, bref, apaisons la dure rénalité qui attaque notre quotidien, mais c'est réalité, j'aime bien dire rénalité. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour. Là, ça se passe cette semaine puis la semaine prochaine. Hey, c'est un spectacle psychédélique avec Arnaud Boitard. Salut Arnaud! Je viens d'arriver. Ah, ben je t'ai envoyé un message sur Facebook, mais t'as pas. Non, j'ai pas Facebook. Ah, ok. Moi non plus, j'ai le vieux modèle. On va se placer ici, hein? Ouais, ok. Excellent. Regarde, bon, il y a un peu très bien, toi. Ouais, ben oui. Hey, heureux. Ici. Oui, oui. Oui. Je te présente. Il y a une chanteuse qui l'a appelée La Chatte. Donc, ah, je te présente La Chatte. Ouais. Elle ronronne pas, malheureusement. Ah. C'était en option. Ah oui. Hey. Bon, ça va depuis le temps. Ouais. Ça fait plaisir de. Oui, mais moi aussi, c'est un retour. Bah oui. C'était quand, en 2015 ou 2014 qu'on s'était... 2014? Ouais. C'était sur ton projet? Oui, toujours. Hein. Puis l'année dernière, on devait se rencontrer pour ton projet de bébé. Oui. Mais tu t'en allais dans le sud, je crois? Oui. Okay. Bah ouais. Mais je suis content parce que j'aime avoir des suivis afin de savoir là, qu'est-ce qui se passe là, dans l'univers artistique des artistes parisiens français. On va repartir de notre fin de rencontre. Ouais, alors, voilà. Tu avais lancé un album. Oui, j'avais lancé un album. Donc, il est là. Oui, je l'ai peut-être là. Oui. Oh, tu retournes. C'est-tu des vinyles, ça? Est-ce que c'est des vinyles? Ouais. Ah ouais, le retour du vinyle. Ah non, je l'avais pas celui-là. Non, c'était pas celui-là, moi. Et ça, en fait, c'est sorti il y a 3 mois sur une maison de disques à Berlin. La zone. Donc, je suis distribué, etc. En Allemagne. C'est merveilleux. Voilà. Hey, c'est super. Vinyle couleur en plus. Ah oui! Ouais. Ah oui. Mais c'est qui t'a produit? C'est la maison de disques. Ah oui? Ouais, elle a tout payé et puis voilà. Et toi, t'es rentré en studio pour présenter... Ouais, moi j'ai enregistré de mon côté et puis quand c'était terminé, j'aurais envoyé. Monsieur. Salut, Dudo. Ah ouais, moi aussi quand j'avais les cheveux longs, c'était... Alors, oui? Un café allongé, si vous voulez. Moi, je vais prendre un jus d'orange pressé, s'il vous plaît. Ouais, mais comment ils t'ont connu? En fait, c'est moi qui les a contactés parce qu'il y a un groupe de rock progressif allemand que j'aime bien. Qui? C'est Electric Moon. Ok, oui. Ouais. Et du coup, ils étaient chez Masonic au départ. Ok, alors tu as fait le lien avec ton style. Voilà. Et tu voyais peut-être la similitude. Voilà. Et en fait, ça, c'était en 2014. Entre 2014 et 2019, ils n'ont pas arrêté de me dire non, ça ne nous intéresse pas. Ça pourquoi nous... Parce que je n'ai pas eu vraiment de retour plus que ça. Et puis au final, le directeur est décédé il y a un an à peu près. Et... Alors, ils avaient peut-être un sang neuf, un sang nouveau quand le directeur est décédé. Bah oui, voilà. Alors, ça a redonné peut-être espoir de... Bah oui, oui. Ah, oui. Et du coup, après, ça s'est sorti en 2000, en mars. Et puis, là, il y a un prochain qui sortira à la fin d'année. Encore sur cette compagnie-là, puis toujours en vinyle. Ouais. Parce qu'eux autres, ils préconisent le vinyle. Oui. Il y a aussi CD, mais eux, ce qui les intéresse, c'est surtout l'objet du vinyle. C'est le retour du vinyle aussi en France. Ah, mais c'est merveilleux. Quand ils ont accepté, tu n'y croyais peut-être même plus. Oui, c'était... Mais c'est en quelle année? Ça, en fait, c'est un enregistrement qui date de 2017. OK. Et c'est sorti en mars 2019. As-tu retouché certaines choses ou tu l'as laissé J'ai refait le mixage un petit peu. Ok. Et puis voilà, il y a un peu de flûte traversière aussi. Oui. Oui, que j'ai trouvé sur l'album avant. Oui. Du coup, j'ai demandé à mon flûtiste de venir pour quelques morceaux. Mais on peut se rendre compte que depuis le début, tu rassembles les mêmes musiciens, tu es assez fidèle à tes amis, à tes... Entre l'époque où on s'est rencontrés et maintenant, c'est plus les mêmes musiciens. Ok, tout a changé, mais il y avait une jeune fille aussi dans ce groupe-là. Oui. Elle a quitté le groupe. Oh, ok, merci. Parce qu'elle voulait faire du punk. Oh, ouais. Oh. Et du coup, ça ne l'intéressait pas de faire du rock psychédélique, et voilà. Et du coup, sur cet album-là, je suis tout seul. Il y a juste mon ami flûtiste qui joue sur deux morceaux. Okay. Et puis voilà, après, là, je continue, mais je suis tout seul. Alors tu fais cavalier seul et c'est comme ça que tu veux poursuivre. Ouais, bah en fait. C'est plus facile pour toi aussi. Ouais. Je me suis dit je vais faire deux projets différents. Un projet sous mon propre nom où je suis tout seul. Okay. Et le projet spécial délivrance avec un nouveau line-up depuis janvier 2019 avec mon cousin. Ah oui! Et un batteur, un nouveau batteur, et toujours le flûtiste. Est-ce qu'il est à Paris, ton cousin, ou s'il est dans le sud? Non, il est à Paris. OK. Voilà. Mais bon, il n'a pas pu venir aujourd'hui, parce qu'il est parti un petit peu en vacances. OK. Voilà. Mais par la suite, tu as touché au BD. Ouais. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour... Alors, en fait, j'ai travaillé avec deux dessinateurs différents. On a fait 45 pages avec plein de petites histoires. OK. Ça s'appelle Les Légendes Insolites. OK. Donc, c'est surréaliste. Voilà, c'est du merveilleux, de l'insolite. Ça va encore dans le psychédélique. Ouais, voilà. OK, t'es toujours dans ce milieu-là. Ben oui. Mais tu décroches pas, mais c'est bien aussi. Ben parce que... On sent depuis quelques années le retour du psychédélisme et les gens veulent en entendre. Oui. Mais est-ce que tu travailles aussi sur des concerts ou c'était plus studio depuis... Là, on a travaillé sur les concerts récemment parce qu'on a enregistré... En fait, avec le nouveau line-up de Spécial Délivrance, on a enregistré en janvier 2019 10 nouveaux morceaux pour un album, et à côté, moi tout seul, j'ai enregistré quelques morceaux pour un autre album, mais sous mon nom. OK. Mais là, tu veux travailler toujours sur ton nom et sur le nom d'un... Et sur Spécial Délivrance, ouais. Je vais faire les deux. Mais, voilà. mais tu tiens aux deux parce que peut-être... est-ce que le style est semblable ou tu veux démarquer... Alors en fait, sur le nouveau line-up de Spécial Délivrance, ça part plus dans le style Hendrix, Pink Floyd avec la batterie. C'est plus accessible pour la majorité. Voilà. Alors que sous mon propre nom, ça sera la suite de ça où je ferai tous les instruments, les percus... on est plus dans la musique ambiant, psychédélique, mais toujours rock. Mais j'ai envie de tout faire, les instruments, les percussions. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de musiciens qui veulent travailler les instruments et travailler leur propre matériel, seul dans leur studio. Parce que tu peux prendre ton temps, puis tu peux travailler n'importe quand. Et tu n'as pas à te soucier si l'un est disponible ou si l'autre... Et c'est plus facile pour toi parce que tu joues beaucoup d'instruments. Voilà. Ben oui. Je fais plusieurs percussions, la basse, les guitares et puis le clavier. Mais on va retourner au BD. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher sur la BD? Tu en lisais beaucoup? J'en ai lu presque 300 en un an et demi. Oh, t'étais boulimique? Ah oui. Mais pourquoi t'es parti sur un trip semblable? Ouais, pour changer. Okay. Parce que justement, je sentais que la musique, il n'y avait pas de label. Je tournais un petit peu en rond. Et j'aimais bien tout ce qui était bande dessinée, etc. Mon père en a fait un peu aussi. Ah, ton père est BDiste? Voilà. Ah oui? Il a fait un petit peu, mais il n'est pas devenu connu. Mais, okay. Il faisait surtout du dessin. Alors tu le voyais travailler à la maison, donc ça t'a intéressé d'aller plus loin. Bah oui, okay. Et moi je dessine pas, mais j'écrivais des scénarios de bande dessinée et je me suis dit, je vais me lancer. Et puis... Mais c'est à quel moment tu as trouvé celui qui faisait des dessins? Sur Internet. Alors comment ça s'est passé? Sur Facebook. Okay. J'ai rencontré par hasard quelqu'un qui m'a dit « Moi, je veux dessiner ton scénario. » Et en fait, cette personne-là dessinait dans les années 80 chez Metal Hurlant. Oh oui, excellent. Voilà. Excellent. Une fois par mois, il allait à New York pour aller voir des dessinateurs. Voilà. Et son patron, c'était Philippe Manœuvre. Oh, ben oui. Voilà. Ben voyons. Et ils allaient à New York et tout. Puis y a ça aussi. Oui. Ça, je sais pas si tu l'as. Je l'ai pas, non. Non. Ça, c'est les débuts de Spécial Délivrance en 2012. Bien. 2012. Ouais. C'est vraiment un petit peu avant Spécial Délivrance, mais c'est les débuts de tout, quoi. C'est vraiment la genèse. Voilà, la genèse. OK. Et j'ai un ami qui est disquaire à La Marque-Olincourt. Où? Non, pas à Jules Geoffrin, Maria des Poissonniers, plutôt. OK. Et, ah, mais c'est près d'ici. Voilà. Et il s'appelle Soula Bletta. C'est rue Marcadet. Okay. Et en fait, il a les albums. Et il me dit que cet album-là est très intéressant pour voir d'où est parti. Ben c'est ça, la genèse. Voilà. Ah, OK. Puis c'est un amateur de musique. Ben oui, oui, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de disquaires. Il ne reste plus de disquaires indépendants ici. Ouais, ben si, j'en connais un. Tu connais Exodisque? Oui, oui, oui, ouais. OK, ouais, effectivement. Crocodisque. Ah, ça, je ne connais pas. C'est à Saint-Michel. OK. Okay. Rue des Écoles. Ah oui, OK. Voilà. Là, c'est ouvert tous les jours, sauf dimanche, lundi. Ah, tu connais les horaires? Oui, oui, oui. Tu y vas souvent? Oui, oui, oui, parce que j'ai un très bon ami qui travaille là-bas. OK. Qui est fan de bande dessinée. Oh, mais on retourne à la bande dessinée, mais c'est lui qui a voulu travailler avec toi, c'est ça? Oui, voilà. Et puis toi, y croyais-tu ou si ça avait l'air d'un canular au départ? Non, je me suis dit, je pense que c'est... Parce qu'il ne m'a pas dit tout de suite qu'il avait travaillé chez Metal Hurlant. Non, il ne doit pas le dire immédiatement non plus, non, parce non, que non. Ça coupe... Tu sais, il y en a plusieurs qui sont intimidés par autant de... Voilà, voilà. Bah oui. Du coup, il m'a juste fait voir ce qu'il faisait. Mais est-ce que tu l'as rencontré physiquement ou si c'était juste... Non, non, okay. Non. On devait, et puis bon, il a eu des problèmes de santé... Parce qu'il a eu un accident... Est-ce que c'est un monsieur assez âgé? Oui, il a une cinquantaine. OK. Voilà. Il a bossé aussi avec Margerin. Ah oui, OK. Avec Casa. Des dessinateurs qui ont percé. Lui, il n'a pas percé. Parce qu'à Metal Hurlant, il faisait surtout les mises en page des magazines, okay, des comics. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis voilà. Bon, après, il a eu un accident parce qu'il travaillait sur les toits. Il est tombé. Du coup, il ne peut plus exercer. Oh. Et ça l'a foutu un coup. Parce que voilà. Mais est-ce que ta bande dessinée a fonctionné un peu ou Pas trop. OK. Je l'ai mis sur une page internet, un blog, donc on peut la lire gratuitement, etc. OK, pour poursuivre un peu le travail. Voilà, voilà. Puis les dessins, est-ce qu'ils te plaisaient au départ? Tu n'avais pas grand-chose à dire sur les dessins quand même? Si, j'ai vu ça un peu. Il y avait des choses qui n'allaient pas au début. Mais t'étais pas intimidé de lui dire ben là ça me plaît pas quand le type a travaillé pour Metal Hurlant? Un petit peu aussi. C'est gênant. Hein? Si, ouais. Mais parce qu'en fait, il y avait un autre dessinateur qui bossait avec nous deux. C'était un autre dessinateur pour quelques histoires. Okay. Et lui, il débutait pas, mais il faisait du noir et blanc, c'était un peu plus difficile. Okay. Et bon, des fois, il y avait des cases, c'était juste une tasse de café, tout blanc. Ah oui, OK. Et bon, j'ai fait voir à des amis qui étaient... amateurs de voilà. Bande dessinée. Ouais. Et ils m'ont dit, non, il y a une vraie différence entre ceux qui travaillaient chez Metal Hurlant. Ouais. Donc ça va pas, faut que tu lui dises qu'il faut qu'il mette plus de couleurs. Voilà, voilà. Et du coup, au début, il était énervé, et puis au final, il a compris qu'il fallait qu'il remplisse un peu. Ouais, pour faire un travail approximatif, voilà. Vraiment rendre la narration intéressante pour la personne. Parce voilà. Que c'est bien beau lire les bulles, mais il faut aussi avoir un beau dessin qui suit la bulle, voilà. Qui suit l'écriture. Oui. Ouais. Et là, après ça, la bande dessinée, tu as mis ça de côté? En fait, on avait trouvé un éditeur, donc il fallait qu'on signe à trois avec deux dessinateurs, parce qu'à chaque fois, c'était des petites légendes de 5 pages. OK. Je voulais bosser un peu comme le magazine Creepy, Eerie, où tu as plusieurs scénaristes, dessinateurs, à chaque fois un collectif. Et c'était un peu difficile de signer sur une maison d'édition avec plusieurs dessinateurs, mais on avait trouvé en Bretagne, on m'a contacté, mais le truc c'est qu'ils prenaient 90% des droits d'auteur. Oh, hey! Il dirait juste 10%, donc tu peux même pas t'acheter un café. Voilà, c'était finalement divisé par 3, ça nous faisait 30 centimes par bande dessinée. Puis eux prenaient les 90. Voilà. Et ensuite, et il fallait vraiment tout écouler. On me disait, il a travaillé pour Metal Hurlant, vous allez vendre 50 000 exemplaires. Et puis il voulait qu'on aille faire toute la France, mais sous nos frais. C'est de l'arnaque. Oui. C'est de l'arnaque, vraiment. Et j'ai des amis qui ont signé là-bas, c'était pour 3 bandes dessinées, et ils se retrouvent dans la merde. Ils sont bloqués, quoi. Ah ouais. Mais donc après ça, ben toi tu faisais encore de la musique, là, t'avais pas abandonné la musique. Bah oui, j'ai pas abandonné. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais relancer un peu Nasoni. Ouais. Et là, ça a marché. On va les talonner un peu. Voilà. Et c'était au moment où je redécouvrais mes vinyles à la maison. Les Jefferson Airplane, les Iron Butterfly, les Led Zeppelin, tout ça. Alors t'as beaucoup de vinyles à la maison. Voilà, oui. Mais le plaisir aussi de toucher un vinyle, hein, des fois il y a des livrets, il y a des beaux. Puis tu peux mieux lire là, les artistes invités ou tu sais sur un CD, oui. c'est plus compact, ça s'appelle compactiste. Oui. Bah oui. On voit mal. Disons que ça rend plus justice au groupe, au chanteur, le vinyle que le CD. Depuis le début de ce que tu fais, est-ce que tu sens le fil conducteur? Est-ce que tu sens le... Dans la musique? Oui. Ben là, je me suis rendu compte, avec cet album-là, surtout, qu'il y a une vraie progression et que, à partir de cet album-là, j'ai trouvé vraiment le côté continuer à faire de l'expérimental, mais en étant plus ouvert ce que les gens demandent. Être plus à l'écoute. Voilà. Sur scène, est-ce que tu prends l'improvisation, beaucoup d'improvisation? Oui. Tu te sens beaucoup plus à l'aise de te lancer dans un solo guitaristique comme le faisait Hendrix ou... Oui. Là, du coup, sur scène, je suis... mon cousin est guitariste, donc moi, je suis au chant et à la basse. Okay. Donc, vu que la basse, c'est mon instrument de prédilection, j'aime bien aussi. Et puis, je me suis acheté des effets des pédales. Spécialement pour la basse, des wah-wah pour la basse. Parce que mon cousin fait de la guitare, mais c'est un fan d'Hendrix. Mais j'aime bien aussi faire le mélange un peu à la Jack Bruce. La basse en solo, en même temps que la guitare, Clapton, Ginger Baker et Jack Bruce. J'aime bien. Est-ce que tu as changé la façon d'écrire ou si tu restes fidèle à... Non, je reste fidèle à comme j'écris, C'est juste qu'aujourd'hui, je me suis remis à relire de la littérature de science-fiction. Ce que j'ai vu sur ton Facebook. Et Philippe K. Dick, Isaac Asimov, tout ça. Pourquoi? Pour alimenter un peu ton imaginaire, l'histoire d'écrire. Pour voyager. Pour partir. Et puis... C'est comme ça, à chaque fois que j'écris un bouquin, je le termine, je me dis, tiens, je vais faire un petit résumé avec une chanson, sur le personnage et écrire une chanson par rapport à ce personnage. Et pour toi, c'est plus facile parce que t'es encore dedans, t'es encore dans l'univers, t'es encore dans la fascination du livre. Et toi, ça t'offre beaucoup plus de création, beaucoup plus de facilité à te lancer. J'ai écrit un morceau, j'ai enregistré même, qui fait 18 minutes en 3 parties. Okay. Ça s'appelle Dream Trip Machine. Ok. Et en fait, bon, c'est très Pink Floyd, Diamond Dool, un petit peu Zappa aussi. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL LF le 89.1 à Québec avec Reynald Gunn. Frank Zappa, on l'oublie souvent. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est dommage pourtant, parce que c'est un type qui fait. Lui, il a fait du jazz, du blues, du rock, du psychédélique. Mmh. Il s'est lancé même, il a fait du classique. Voilà, c'est, voilà. C'est complètement cinglé. Du coup, je me réfère à lui pour avoir la ligne d'Ariane, si on veut, par rapport à Spécial Délivrance et mon projet sous mon nom. Parce qu'en fait, il y a des albums, c'est sous son propre nom, et d'autres albums, c'est les Mother of Inventions. Oui, oui, oui. Mais finalement, on se rend compte que c'est lui, quoi. Il y a le chemin, il y a l'idée, il y a l'essence. Voilà. Et c'est ça que je veux faire. Il y a une signature, ça. Voilà. C'est ça que je veux faire avec mon projet sous mon nom et Spécial Délivrance. C'est juste que sous mon propre nom, je suis tout seul avec les percules. Et puis là, bah, c'est en groupe pour le live. Travailles-tu beaucoup, beaucoup, beaucoup? Joues-tu beaucoup chez toi? Est-ce que tu prépares des tracks à la maison régulièrement? Ou si tu attends vraiment d'être inspiré et de te lancer? Ben, j'attends d'être inspiré. Okay. Ça m'arrive de ne pas toucher à la guitare pendant plusieurs semaines même. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu lis? Ah ouais, je lis. Okay. Okay. Je lis, j'écoute pas mal de musique aussi. Tu écris? J'écris. J'essaie de voyager un petit peu aussi. Voyager, tu veux dire, voir d'autres... Je vais voir des musées, essayer de voir, d'aller un petit peu à la plage avec ma blonde. Ok, oui. Etc. Et puis voilà. Je fais un boulot alimentaire aussi. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la vente. Je suis très souvent à la FNAC, dans la vente de... Alors j'ai tout fait, littérature, bande dessinée... Ah oui? Alors t'es vendeur? Oui, voilà, okay. Voilà. Et puis t'aimes ça? Ouais, ça va. Et puis tu dois avoir aussi des tarifs réduits pour acheter des CD? Oui. Ok? Ouais, voilà. Et tu travailles là depuis combien d'années? Depuis 2013. Ok. Voilà. Mais la FNAC vend de moins en moins de disques. Est-ce qu'elle en vend encore des disques? Les vinyles, c'est revenu. Hein. Mais le CD, non? Moyennement. OK. Il y a toujours des fidèles qui... Mais vous en vendez encore à la FNAC? Oui. OK. Ouais. Est-ce que... Oui, vas-y. Après, je suis surtout en mission intérim. OK. Donc, c'est surtout pendant les fêtes de Noël. Et puis après, certains week-ends, les dimanches, lundis, après une petite semaine, après plus rien. Ok, tu remplaces. Voilà, tu fais du remplacement, voilà. Oui. Ouais. Est-ce que tu travailles beaucoup? L'année dernière, pas mal. Ok. Pendant 6 mois. Ah oui, ok. 3 fois par semaine. Oh, ok. J'étais à 10 minutes de chez moi. Non, mais ça fait du bien parce que l'argent peut au moins... Ah oui. Ah oui, parce que c'est dur, hein, de vivre, de s'amuser. Ouais. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu sens qu'il commence à avoir, depuis le temps qu'on se rencontre, un public? Alors à Paris, j'ai un peu de mal quand même. Par contre, du coup, à Berlin, Pays-Bas. Est-ce que tu y vas souvent pour te présenter, pour jouer? Alors là, j'y suis pas encore allé, mais figure-toi que le meilleur ami de mon cousin travaille dans la même rue que Nassoni. Donc il m'a dit, vous venez à la maison, vous allez les voir, on va trouver des concerts et puis... C'est nouveau là? Oui. Ah ok. Ouais. Alors tu vas dire oui, tu vas accepter. Ouais, on va y aller en voiture et puis... Tu vas amener ta blonde et vous partez. Voilà. Ah c'est bien. Avec ta guitare. Ouais. Ah oui. Ah, mais c'est vraiment encourageant. On voit quand même qu'il y a une ouverture. Ouais. Puis le vinyle, on sent aussi que ça te rend heureux. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir... d'avoir l'objet. Oui. Que des gens disent aussi que c'est bien, soit derrière moi. Puis je remercie Nassoni. Mais là, tu prépares un autre album pour eux, là? Oui, alors il y a un album sous mon propre nom, une Tube Machine, et un autre sous le nom spécial Délivrance, avec mon cousin. Et ça, c'est quand, là? C'est dans la prochaine année? Il y en a un, normalement, qui devrait sortir à la fin d'année. Et puis l'autre, ça sera courant 2020. Et puis, as-tu déjà une idée de ce que tu vas présenter? Que ça? As-tu une idée de ce que tu vas présenter sur le nouvel album? De Spécial Délivrance, oui, tout est enregistré déjà. Okay. On est en train de faire le mixage, qui est un peu plus difficile. Oui. Voilà, mais... Est-ce que tu fais ça à la maison? En fait, mon cousin, justement, il est ingénieur du son. OK, ah oui! Donc on est à Paris? À Paris. Du coup, on est allé dans un endroit qui s'appelle le Deux Pièces Cuisine à Blanc-Mesnil. Okay. C'est à côté de chez moi. Et toute la nuit, pendant une semaine, on a travaillé. Parce que c'est moins cher la nuit? Ouais. OK. Ouais. Puis on était plus libre de rester. Ah, ouais. Voilà. Alors, tu vas travailler sur le projet? Ouais. Là, c'est fini. Et puis, on fait le mixage. Voilà. Et puis, es-tu content de l'effet que ça donne? Ouais. Bah, c'est très... c'est très Hendrix, Rory Gallagher, tout ça. Et c'est combien de pièces musicales? Il y en a 10. OK. 5. Voilà. Enfin, 6-5. En fait, il y a un morceau, c'est l'intro et la fin. Ah oui, c'est ça, comme c'est du progressif, on ne sait jamais. Okay, voilà. Mais c'est 10, mais avec l'intro, ça fait comme une seconde pièce, c'est ça? Voilà, c'est ça, voilà. Et sur scène, tu fais moins de scènes ou... Sur scène, on fait tous les morceaux. OK, mais voilà. Est-ce que tu fais beaucoup de scènes actuellement ou c'est plus tranquille? Ben là, on en a fait il y a un mois. On a fait 3 concerts d'un coup, d'affilée. Oh, OK. Dans une médiathèque à Suresnes et puis d'autres endroits dans Paris. OK. Sur un bateau aussi. Oh, c'est bien ça. Une péniche qui s'appelle El Alamein. OK. Voilà. Et puis là, bon, tout le monde est un peu parti en vacances. Ah ouais, là, c'est plus relax. Là. Voilà. OK. Là, on va attendre un petit peu, septembre, octobre. Et toi, tu pars en vacances aussi? Ouais, je vais partir en Auvergne. OK. À Clermont-Ferrand. Ouais, pourquoi ce coin? C'est ma mère qui habite là-bas. OK, oui. Mais... Oui, vas-y. Et du coup, mon projet sur mon propre nom, ouais. Là, tout est terminé. Tout est mixé, masterisé. J'ai déjà envoyé à la maison de disques. Tu as un retour? Oui, okay. Ils ont bien aimé. OK. Voilà. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est bien quand tu fais un travail, quand tu bosses beaucoup et que tu l'envoies à ta compagnie de disques et la compagnie de disques te félicite. Oui. Ah, c'est vraiment ça. Et là, il n'y a que 5 morceaux, mais il y a un morceau de 16 minutes, un autre morceau de 5. Et puis la phase B, c'est des morceaux entre 4 et 8 minutes. Voilà. Bien, c'est ça, hein, le progressif, tu peux prendre le temps de rentrer, tandis que ta copine qui fait, elle, de la musique un peu plus punk, c'est 2-3 minutes, c'est ça. Finir une chanson, bang, 2 minutes. Voilà, c'est ça. Et l'énergie est tout mis dans ces 2 minutes-là, tandis que toi, tu dois l'étaler sur. Voilà. Et ça prend aussi le public. Peut voyager plus facilement avec la musique progressive. Ouais, ouais. C'est vraiment un autre style. Ça. Ben oui. Et puis, qu'est-ce que je... Ah oui, est-ce que tu la rencontres encore ou si c'est terminé? Non, j'ai plus du tout de nouvelles. OK. Je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue. Je crois qu'elle a eu une petite dépression apparemment. OK. Bon, ouais, mais c'est pas facile. Ouais. Toi, est-ce que tu trouves que ton travail, c'est beaucoup d'efforts ou si ça vient tout seul, les gens viennent à toi? Est-ce que tu mets beaucoup d'énergie à aller rencontrer les gens? Non, c'est souvent des gens que je connais déjà. Okay. qui viennent, à qui je demande si ça les intéresse de venir, etc. Par exemple, le batteur, on s'est rencontrés en 2015, quand on faisait concert à l'époque avec... Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Mais Il était là, on a fait la même école de musique, l'école Atla. Oui. Et puis... c'est pas loin, c'est juste bah à côté. Oui, c'est là. Non, ouais. Et puis voilà, et puis au départ, il voulait faire les percus. Puis je me suis dit, t'as qu'à faire aussi la batterie. Maintenant, il y a mon cousin qui est là. Ah oui, c'est très familial. Voilà. Mais comment ça que la famille s'est greffée automatiquement et non pas en 2015? Qu'est-ce qui a fait que j'ai... Alors, en fait, c'est parce que mon cousin travaillait chez Emmaüs. OK. Donc, il avait une boutique Emmaüs pendant un bon moment. Thank you.